I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut et bienvenue à une autre édition de Subversion, édition du 18 mars 2016. Je m'appelle Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio et jusqu'à l'heure que vous voulez, si vous écoutez bien sûr en balado-diffusion, en SoundCloud, en podcast différé, soit sur SoundCloud ou sur hurlemort.com/subversion, évidemment, là où vous pouvez d'ailleurs écouter tous les épisodes antérieurs depuis la toute première. Et pour ceux qui voudraient nous se rattraper comme ça massivement, eh bien, vous avez au moins un bon 24 heures de fun devant vous. Ouais, et de violence aussi, hein, puisque. Bon, on va en avoir ce soir de la violence. Et pourquoi tant de violence? Ben, parce que les groupes qu'on va entendre, qu'on va avoir, la musique en est imprégnée, évidemment. Et c'est cette circonstance un peu, hein, je dirais même, je devrais plutôt dire, c'est d'actualité avec ce qu'on voit souvent à la télé ces temps-ci, pour ceux qui ont encore la télé à la maison. Ce chaos, cette campagne électorale chaotique de ces républicains, de ce personnage issu, qui semble issu de bandes dessinées de, je sais pas si c'est Marvel, DC ou peu importe, mais. Swiss Trump, lui dit son nom dans ce show. Ça arrivera pas très souvent, mais bon. Pourquoi tant de violence? Oui, on aura entre autres, on va faire un retour dans l'histoire. Particulièrement, on va souligner le 30e anniversaire de cet album de Voivod, Roar. Et on va entendre ça après le premier bloc, qui sera composé de trois groupes canadiens. Hein. Pourquoi pas laisser la madame du téléphone nous en parler un peu. New Salons Entendre Tross Fucking Bonds Chanson de Pile Driver, Exciter at Anvil sur Underground Quebec Radio, Et plus Tard on Aura du Voivod avec Piggy, Blackie, Snake Get Away, Fuck Off and D-A-A-A-A-A Die. Eh bien, ça alors, une chance que tout est permis sur Underground Québec, ou presque. Mais, ce qu'elle disait en gros, c'est ça, les quatre premières chansons, c'est quatre groupes canadiens, avec Voivod évidemment. Donc, dans ce premier bloc, Pile Driver et Exciter, de formation ontarienne qui se produisent ce soir même aux Faux-Funs électriques à Montréal, cette soirée spéciale avec Goldhorn en première partie. et qui met en vedette évidemment le line-up original, le trio de la formation originale d'Exciter. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'entrevue avec Dan Beeler dans l'épisode de la semaine dernière, soit celle du 11 mars. Donc, Piledriver, Exciter et Anvil. Pour commencer, une formation qui les a un peu précédés, on va entendre la pièce, une pièce de leur deuxième album, Jackhammer. Écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Québec-Radio. Driver avec Sex with Satan, pièce clé de leur premier album incontournable de 1984, Metal Inquisition. C'est une pièce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas jouer au Faux-Fonds électriques ce soir, évidemment. Je pense qu'ils l'ont très bien fait, que ce soit au Club Soda, au Catacombe, même peut-être au Spectrum en 2005 pour le Montreal Massacre Fest. Bien, en tout cas, il y a toujours une bonne vibe dans les concerts de Piledriver. On ne sait jamais d'ailleurs. C'est une formation mystérieuse. Hein? On ne sait jamais qui fait quoi. Des fois, c'est des ghouls, des fois, c'est des cochons. Un peu des sortes de créatures bizarres qui entourent le Piledriver, qui ne laisse pas sa place non plus. Mais une bonne présence sur scène et ouais, bien hâte de revoir Piledriver en concert. Et avez-vous entendu les riffs de guitare tordus dans cette pièce-là? Je me souviens, à l'époque, j'avais été stupéfait d'entendre oui, certaines de ces pièces sur l'album. Une production minimale, mais quand même des compositions accrocheuses pour la plupart, et en particulier celle-là, Sex with Satan, que j'aime bien. Avant ça, oui, on avait eu Exciter, évidemment, qui font un grand retour avec la formation originale ce soir au Faux-Fonds électriques aussi. C'était justement une version live de Violence and Force, ça avait été enregistré en juin 1984 à Ottawa, et ça s'est paru sur un EP le EP Feel the Knife, qui était en fait, ça avait sorti sur Music for Nation en décembre 85, et Feel the Knife est une pièce qui avait été enregistrée durant les sessions de Long Live the Loud, enregistrée en février précédent à Londres, mais c'est une pièce qui avait été exclue de la version finale de l'album Long Live the Loud. Justement, parlant de concerts et tout ça, on a eu une mise en garde. Hein? Ben, en fait, c'est un appel à la prudence, et c'est de notre ami, oui, ce prêtre scientifique de Shawinigan, reconnu, le père Gimbal. Impulsions incontrôlables de destruction, de vandalisme et d'émeutes à la suite des concerts et des festivals rock. Eh bien, ça alors, on vous aura avisé. sacré père et Gimbal. N'oubliez pas de venir en grand nombre à ce festival rock qui est au Faux-Fonds électriques ce soir à Montréal. j'allais oublier, oui, Anvil, formation Anvil en début de bloc, on avait eu avec la pièce Jackhammer de l'album Metal on Metal de 1982. À noter que le frontman, vocaliste, guitariste Lips a fêté ses 60 ans le 2 mars dernier, soit 10 jours avant Steve Harris d'Iron Maiden, qui lui a eu évidemment 60 ans le 12 mars. 18h51, vous êtes toujours à l'écoute de Subversion sur Underground Québec Radio. On aura dans le prochain bloc, on va virer un petit peu plus vieux hardcore avec Oi Polloi, GBH. On aura aussi la formation britannique Sweet Savage, mais avant Voivode. Question de, comme je dis en début d'émission, de souligner le 30e anniversaire de l'album Roar, leur deuxième, paru le 14 mars 1986. Album qui avait été enregistré et mixé à l'autre studio de Montréal avec l'ingénieur de son du groupe Mike Hempstead entre le 11 octobre et le 17 novembre de la même année. L'enregistrement avait été complété un peu plus d'une semaine avant ce fameux festival World War III. Qui avait lieu à Montréal, évidemment, dont Voivode faisait la tête d'affiche et qui avait été un point tournant pour la carrière du groupe, sans aucun doute. Et l'auteur Jeff Wagner, dans son livre Mean Deviation, Four Decades of Progressive Heavy Metal, décrit l'étape Roar de Voivode, en fait l'album, la musique qu'on y retrouve comme du trash inaccessible, un style de métal vraiment non conventionnel et vraiment pas fait pour tout le monde. Une expérience qu'il compare même par moment à une espèce d'immense usine qui s'effondre et qui est fidèle justement à l'image qu'on voit sur la pochette. L'expérience Roar aussi se traduit par cette illustration de Michel Langevin. Où on peut voir une machine de guerre qui avance lentement mais sûrement vers la mort, une marche vers la mort. Une image fidèle à son contenu sonore, avec un discours musical destructeur, une intention de tout détruire sur son passage réellement. Évidemment, quand le groupe est parti de Jonquière pour venir s'établir à Montréal, tout a commencé à se passer en accéléré, surtout à l'automne 85, une période transitoire pour le groupe, de l'enregistrement de Roar au Festival World War III. Et à noter que ça a été le dernier album que le groupe a enregistré à Montréal avant une longue période de 20 ans. C'est seulement 20 ans plus tard qu'ils ont enregistré, l'album 14 au studio Multison sur Beaubien. Après avoir enregistré plusieurs albums à l'extérieur, soit en Allemagne, au Texas, en Californie ou en Ontario. Pour nous parler un peu plus en détail de cette fameuse période de l'automne 1985, écoutons les propos de tirés d'entrevues exclusives de Mike Hempstead, ingénieur de son, et de Michel Howey Langevin. Puis le gérant, il s'appelle Maurice Rocker Richard. Puis après, il a produit beaucoup de shows, il a fait venir des bandes pour les festivals. Et une fois, j'étais chez lui, puis j'ai vu qu'il y avait un disque sur le mur. Puis c'est le premier disque de Voivod, qui s'appelle War and Pain. Il dit, ah, wow, man, c'est quoi ça? Ça a l'air heavy, la pochette. Il dit, ah, ça, c'est une autre band que je suis gérante. Il dit, comment ça sonne? Il dit, ah, c'est super heavy, puis on a la misère à trouver quelqu'un qui peut mixer ça. Il dit, ah, oui, est-ce que je peux l'écouter? Il a mis les premiers tracks, il dit, wow, man, j'aime ça. Tu veux... J'ai accroché tout de suite, parce que dans cette époque-là, j'aimais bien des affaires comme... Discharge, GBH, Slayer, des affaires super heavy. Des affaires comme Iron Maiden, Judas Priest, j'aimais plus ça, vraiment. C'est... Et quand j'ai entendu ça, c'est wow, ça c'est nouveau. J'aimerais ça essayer de OK. Après, il m'a engagé pour faire le deuxième album pour être ingénieur et producteur de c'était Roar. C'était vraiment un budget serré, là, pas beaucoup de cash, mais. C'était difficile parce qu'on a passé comme 8 heures dans le studio la soirée. Après, on tournait comme une semaine après, on faisait deux autres chansons. À chaque fois, pour recommencer, puis c'était pas un super studio, mais quand même, on a essayé de faire qu'est-ce qu'on a fait. You know? Moi, j'étais pas vraiment satisfait avec qu'est-ce que j'ai fait, mais c'était une expérience quand même là. Mais quand même, c'était bien aussi, puis la band commence à monter. Avant qu'on enregistre War, on s'est fait voler du matériel à notre local, puis on a organisé le festival World War III avec Celtic Frost, Possess, Destruction, Nasty Savage. Puis ça a été un gros succès, le monde arrivait de Buffalo, New York, partout. Puis il y avait eu 3000 personnes, je pense. Puis donc ça nous a permis de racheter de l'équipement, puis enregistrer l'album, puis on avait entamé le processus d'enregistrement, puis on avait des rough mix, puis on a donné une cassette à Tom Warrior, il a amené ça à Noise, puis on a eu un contrat pour 3 albums, puis là on est parti sur la route, puis on est comme jamais revenu là, c'était comme on revenait à Montréal, on repartait tout de suite, puis on enregistrait dans ce temps-là 1 album par année à Berlin. Puis on faisait énormément de tournées. Donc on était plus ou moins à Montréal. Il y a bien des gens qui pensaient qu'on était allemand. Yeah.

Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. Entendre la formation écossaise Oi Polloi, groupe de anarcho-punk qui existe quand même depuis plus d'une trentaine d'années. La pièce était Mutilation of the Innocent. C'est paru sur l'album SS Politician de 2006. C'est précédé de GBH avec Slots de 1982 de leur premier City Baby Attacked by Rats. GBH, formation britannique qui avait vu le jour en 1979 et également ayant vu jouer en 79 Sweet Savage, autre formation britannique, avec la pièce Killing Time, que vous avez sans doute reconnu par leur reprise par Metallica. Killing Time de 1981, tiré du 7 pouces Take No Prisoners, et en début de bloc, évidemment, Voivode avec Fuck Off and Die de l'album Roar, qui a eu 30 ans ce mois-ci, le 14 en fait. Album de qui avait vu le jour en 1986. 19h10 sur Underground Québec Radio. Vous écoutez Subversion toujours. Et donc, oui, dans les pièces qui s'en viennent, ça va être un virage un peu plus extrême, même pas mal plus. On va entendre Odious Mortem. On va entendre aussi les Hollandais de Sinister. Et aussi Destroyer 666 avec une pièce de leur tout nouvel album, Wildfire, dont on a dit beaucoup de bien. J'ai pas fait écoute approfondie encore, mais j'ai quand même apprécié les extraits que j'ai entendus. On va entendre la pièce Traitor après cette pause publicitaire, je pense. Subversion Le Metal Show will be back after this ludicrous messages. Mon frère et moi, on vous a parlé tout l'été de Luminaire en vrac. Aujourd'hui, je ne parle qu'aux étudiants. Pour voir clair dans vos études, des lampes halogènes à 29,95, 39,95, 24,95 et celle-ci à variateur d'intensité à 69,95. Plus un nouvel arrivage de lampes torchères en poule incluse à 37,95. Qui c'est qui a dit que je n'avais pas de lumière? Luminaire en vrac, ça claque! Well, we don't give a fuck. We'll be right back.

this long. Hell, on the way. d'entendre la formation Odious Mortem de San Francisco avec Fragmented Oblivion. C'est paru sur l'album Cryptic Implosion de 2007. Semble-t-il que c'est en fait que cette formation est toujours active, mais pas d'album depuis 2007. Cryptic Implosion était leur deuxième album. C'était précédé de Sinister, Awaiting the Absu, de l'album Hate de 1995, leur troisième de 12 albums, un de mes favoris, oui, vraiment, avec Diabolical Summoning et Cross the Styx, les trois premiers finalement. Et à ce moment-là, ils redevenaient un trio pour l'album Hate, qui était sorti sur Nuclear Blast en juillet de 1995. Ça avait été enregistré en Allemagne en passant. Et au début du bloc, on avait eu Destroyer 666. Avec un extrait de leur tout nouvel album, leur cinquième en fait, Wildfire, paru le 26 février dernier sur Season of Mist, enregistré en Allemagne aussi. Et le groupe, ce groupe de Melbourne en fait, ce groupe australien, aurait semble-t-il voyagé, aurait demeuré temporairement en Hollande pour se retrouver en Angleterre. Donc, un groupe multinational, Destroyer 666. Donc, on dit du bien de cet album Wildfire. D'ailleurs, le Dr. Pendragon a l'émission Réanimation, assez fou. Le classe déjà, le projette déjà parmi ses tops de l'année 2016. C'est tout le temps qu'on a pour ceux qui nous écoutent en direct. Pour les autres, ça se poursuit un peu. Comme d'habitude, on va défoncer 10-15 minutes. Il nous reste une pièce, en fait, une chanson de Badass Commander, un groupe de Québec. Nouveauté sur PRC Music, qui s'est sorti l'album Uncontrolled Hatred. Le 11 mars dernier, voici la pièce titre Uncontrolled Hatred à Subversion. C'est vrai hein, que ça ressemble à du bon vieux Swedish metal, hein, par moments, entre autres Grave. On vient d'entendre Badass Commander avec Uncontrolled Hatred, pièce titre de leur album, sorti tout récemment sur PMRC. Encore PMRC. Hey, écoute, J'y arriverai jamais. Je vais toujours dire PMRC. Excuse-moi, Rémi. C'est PRC. Rémi Côté, oui, qu'on avait en entrevue la semaine dernière dans l'épisode du 11 mars. Donc, président de PRC Music. PRC. OK. Donc, sur PRC, c'est sorti cet album de Ballast Commander le 11 mars. Tout comme d'autres, Deviant Process aussi, qu'il faut absolument vous procurer. J'ai écouté ça dans l'auto et c'est vraiment excellent. Et stupéfiant, ouais. Ouais, c'est tout pour moi cette semaine. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, on verra bien ce qui va se produire. Oui, parce que je serai sur la route, mais il y aura quand même une émission de Subversion vendredi prochain. Alors, à surveiller, une 27e émission. Je sais que nous parlerons brièvement de l'album de Loudness Lightning Strikes, qui fêtera ses 30 ans, lui aussi. Et bon, eh bien... Je voulais vous dire, n'oubliez pas de visiter le site hurlemort.com de notre sinistre chroniqueur Guillaume Gagnon, alias Sinistros, avec des chroniques sur les albums récents et des échos du passé aussi. Et site où vous pouvez aussi trouver toutes les balados diffusion de Subversion. Aussi, en parlant de podcast et tout ça, visitez donc les émissions et les sites des émissions de nos amis le Dr Pendragon à Réanimation assez fou, réanimationad.com, ainsi que celui de Rock Classique avec le Rockmaster Alain Lefebvre, rockclassique.net. Toutes les dernières balados de diffusion sont là, ainsi que d'autres antérieures. Ça vaut vraiment la peine de suivre ces émissions de radio uniques sur C'est fou. Et bien, ceux qui sont à Mauricie pourront toujours les écouter les vendredis soirs, Rock Classique le vendredi de 11h AM à 5h PM et Réanimation tous les mardis soirs à 19h si je ne m'abuse. Bref, parce que moi je l'écoute toujours en différé, le Dr. Pendragon dans l'auto. Ouais. Oui, c'est tout pour moi. Alors, spread the word pour Subversion. Revenez-nous la semaine prochaine. Et j'oubliais-tu quelque chose d'autre, moi, là? Oui, non, peut-être. Non! Alors, on se voit au show de Exciter Pile Driver ce soir pour ceux qui nous écoutent en direct. Ben non, ils nous écoutent pas en direct, on est défoncés. Ils peuvent pas nous entendre en ce moment. Hey, c'est compliqué, hein? 2016? OK. je sais plus comment, 1986. D'accord. OK. À la prochaine. An incredibly ugly little town. It's really boring.